Jean Bedel. Jean Bedel Bocassa. Toi, tu savais y faire. Hein? Tu t'y entendais en costume. Ton souvenir touche l'âme de ton serviteur ici présent. Ton rêve palpitant, celui de ton homologue français, sont des joyaux, des diams. Oui, refusons l'abominable calomnie qui te fit manger le bistec humain d'un tien sujet. Oh mon Jean, mon Bedel, mon Jean Beu, mon Dédel, je désire cette magie. Tes chapeaux sont le pouvoir, ton bâton bat le distingue. L'or qui brode ta cape et se mêle au vent de l'avenir. Reviens, reviens, Jean Bedel, et reste, reste cette fois. Je t'invite au royaume de la liberté. Ce sont les Kaisers comme toi que l'Afrique a besoin partout. Pas qu'au centre, non, pas seulement à Bangui. Lève-toi de ton trône et convainc le Négus d'écouter Valérie. Je t'aime, Jean Bedel, mais bibliquement s'entend. Enfin, prends-moi, mange-moi, mange, mâche ton ami de toujours en geste d'amour sensuel. Jean Bedel, Jean Bedel, Jean Bedel, Jean Bedel, Jean Bedel, Bocassa, Jean Bedel, Jean Bedel.